Vous suivez la radio Isanganiro et c'est l'heure du journal en français dont voici d'abord le sommaire. Célébration de la journée internationale dédiée à la radiologie, une occasion pour Willy Guiheté, professionnel de l'imagerie médicale, d'indiquer que l'existence des centres d'imagerie qui ne répondent pas aux normes reste un défi à relever. La régie de distribution d'eau et d'électricité, régie des eaux, mérite d'être dirigée par des techniciens. Analyse d'un ancien ministre de la formation professionnelle ayant aussi travaillé au ministère de l'énergie, Godefroy Rakizimana. Et le ministère en charge de l'agriculture estime que le niveau semencier et celui de production végétale et animale sont les plus essentiels pour une stratégie d'augmentation de la production agricole au Burundi. Vous allez suivre les précisions. Voilà pour les titres. Albert Ndouayo assure la mise en onde. Jean de Dieu est la cause à la présentation. Bienvenue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Ouvrons ce journal. L'existence des centres d'imagerie qui ne répondent pas aux normes est un défi qui reste à relever dans le domaine de la radiographie. Propos de Willy Guiheté, professionnel de l'imagerie médicale, à l'occasion de la journée internationale dédiée à la radiologie, initialement célébrée le 8 novembre de chaque année. D'après lui, la digitalisation du système d'imagerie contribuera à la protection des patients. Suivez-le. Le thème d'aujourd'hui est la sécurité du patient et le manipulateur de radiologie ne peut pas prétendre être à la hauteur de sa mission sans sécuriser le patient qui reçoit les rayonnements ionisants. Nous sommes ici en tant que membre de l'association ABUPIM pour montrer au public que l'imagerie médicale est là, mais qu'il y a des améliorations, notamment en ce qui concerne la digitalisation. Ce qui fait que quand il y a digitalisation, il y a réduction significative des rayonnements. Quand il y a réduction significative des rayonnements, il y a aussi la protection du patient. Quand on parle de sécurité du patient, c'est mettre dans des conditions le patient où il reçoit les rayonnements, où il peut être diagnostiqué sans pour autant que sa santé est en danger. Ce qu'on demande au gouvernement du Burundi, le gouvernement, c'est le seul responsable de la sécurité du patient. C'est la raison pour laquelle ce que les professionnels en imagerie médicale ont besoin, le gouvernement du Burundi devrait faire un effort, notamment dans la digitalisation du système d'imagerie. Ce qui fait qu'il y a réduction significative des rayonnements ionisants qui sont octroyés aux patients. En ce qui concerne la protection du patient, c'est aussi la réglementation en matière de radioprotection. Nous avons des centres d'imagerie qui ne répondent pas aux normes. Cela fait que le ministère de la Santé doit inspecter tous les centres d'imagerie pour qu'il n'y ait pas d'exposition exagérée au rayonnement. Il est impératif de changer la stratégie d'augmentation agricole au Burundi. Déclaration du ministre en charge de l'agriculture dans un point de presse de ce vendredi. Prosper Dodiko estime que le niveau semencier et celui de la production végétale et animale sont les plus essentiels pour cette stratégie. Écoutez Prosper Dodiko, ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage. Le premier niveau, c'est le niveau semencier et le deuxième niveau, c'est le niveau production végétale et animale. La nouvelle stratégie est de créer un environnement favorable à l'émergence du secteur privé professionnel qui renforce les efforts du gouvernement par une synergie forte visant le marché. De manière opérationnelle, un appel au secteur privé est lancé aux 5 domaines d'intervention suivants. Premièrement, les zones de production agricole, deuxièmement, les zones de production animale, troisièmement, les entreprises ou sociétés semencières, quatrièmement, l'aménagement et irrigation, sans oublier la mécanisation agricole. Pour les zones de production agricole, des terres domaniales ont été identifiées et seront mises à la disposition des personnes morales ou physiques engagées à devenir des professionnels est capable de remplir un minimum de critères, dont notamment fournir des preuves de capacité financière pour aménager le terrain, l'irriguer et jeter les bases d'une mécanisation agricole. Deuxièmement, être capable d'intensifier la production en utilisant un paquet technologique performant. Pour les zones de production semencière, des centres semenciers de l'État ont été identifiés et seront mis à la disposition des personnes morales ou physiques engagées à travailler comme entreprises semencières, capables d'honorer la demande de l'État à fournir des semences en quantité et qualité requises à une période indiquée. Après inscription, qui va se clôturer au 30 novembre 2023, il sera organisé une retraite des enregistrés par domaine afin de déterminer les modalités pratiques de commencer les activités en commençant par une affectation des terres aux retenues et définir le contenu du contrat de partenariat public-privé qui sera signé. Prosper Dodiko, ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage. 18 cultivateurs ont été appréhendés mercredi dans la réserve naturelle de Rukoko par les agents de la protection de cette réserve en collaboration avec les forces de l'ordre basées sur place. Ils sont accusés de cultiver dans le domaine de cette réserve et ont été conduits au cachot de la police à Gihanga. Les autorités administratives à Gihanga appel au respect des limites de cette réserve, mais entre-temps, 17 cultivateurs ont été relâchés, n'est-ce pas, Space Cartas Kavanyan? Ces 18 cultivateurs ont été attrapés dans la Rukoko ce mercredi entre la 6e et la 7e transversale. Ils sont composés de 14 travailleurs journaliers, 3 employeurs et un représentant d'une coopérative. De ces cultivateurs seront les responsables des coopératives contactées ce vendredi. Ils ont été alors conduits au cachot de police à Gihanga ce jeudi. Après avoir été interrogés, ils ont été tous relâchés, sauf le représentant de la coopérative qui est détenu jusqu'à présent. La semaine passée, plus de 10 cultivateurs avaient été également attrapés dans les mêmes conditions. Certains responsables des coopératives et des cultivateurs contactés ce vendredi reconnaissent qu'il y a eu des dépassements des limites par les cultivateurs qui ont labouré à l'intérieur de la réserve protégée, mais ils disent que c'est une erreur qui va être corrigée. Les autorités administratives à Gihanga demandent aux responsables des coopératives des cultivateurs et aux cultivateurs eux-mêmes de respecter les limites de la réserve naturelle protégée. Space Caritas Kavanyana, Mubanza, Radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Le journal continue sur Isanganiro. Les habitants du quartier Buterere 2 demandent à la régie de distribution de l'eau et de l'électricité d'être réalimentée en électricité. Ils déplorent qu'ils viennent de passer plus de 2 semaines dans le noir et que les activités nécessitant du courant électrique se retrouvent au point mort suite au transformateur qui est tombé en panne. Placide Niomungere s'est rendu sur le lieu. La partie la plus affectée par ce noir qui plane dans cette zone de Buterere est le quartier Buterere B2 à partir de la jonction de l'axe routier principal et l'avenue communément appelée Maison Verte. Les habitants de ce quartier déplorent que la coupure de cette électricité totalise plus de 2 semaines. On nous rappelle notre vieux Buterere en obscurité. Eux, ils sont bien éclairés. C'est près des mois sans électricité. Qu'on fasse le tout possible pour nous éclairer, car pendant la nuit, il arrive qu'on touche à côté de l'assiette. Presque toutes les activités qui tournent à base de l'électricité, des cafétérias, des poissonneries et salons de coiffure sont au point mort. Les commerçants déplorent qu'ils sont en train de travailler à perte. En tant que commerçant locataire, il est difficile d'expliquer aux bailleurs cette situation. Des cafétérias ont fermé les portes à défaut du lait ou jus frais. En général, les activités sont presque paralysées. Cette population de Buterere 2 justifie que la cause de cette coupure est liée au transformateur situé à la 10e avenue qui est tombé en panne. Ce quartier est vaste et il y a plein d'activités. Nous apprenons que le transformateur est tombé en panne. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de le remplacer? Nous savons que ce genre d'équipement se trouve dans leur stock. Qu'est-ce qui bloque ce remplacement pour nous permettre d'avoir de l'électricité? Regrettant que même le phénomène de banditisme est en train de profiter de cette situation, ces habitants du quartier Buterere 2 demandent d'être réalimentés en électricité. À la régie de distribution de l'eau et de l'électricité, l'on indique être au courant de cette panne. Le directeur général de la régie des eaux promet que les travaux visant le remplacement de ce transformateur en panne sont prévus au plus tard ce vendredi. Placide Niyomungere, la régie de distribution d'eau et d'électricité, régie des eaux, mérite d'être dirigée par des techniciens. Analyse d'un ancien ministre de la formation professionnelle et de l'enseignement des métiers, ayant aussi travaillé au ministère de l'énergie, après que le gouvernement du Burundi ait décidé en conseil des ministres de revoir le statut de la régie des eaux, avec notamment pour but de mettre en place le directeur général et les directeurs après concours. Godefroy Hakizimana estime qu'il est déjà tôt, qu'il était plutôt déjà tard, que le capital social de la régie des eaux atteignant 55 milliards de francs burundais soit actualisé pour que tous les Burundais aient accès aux services rendus par cette société. On l'écoute. Jusque dans les années 90, il a été instauré un plan de redressement de la régie des eaux sur base de l'appui de la Banque mondiale. Différents programmes, recommandations qui avaient été données avec les crises de 93 et consorts n'ont pas pu être mises en œuvre. Mais dans les années 2000, il a été instauré un plan d'affaires, ce qu'on appelle en anglais un business plan, pour permettre à ce que les différents secteurs dans lesquels la régie des eaux preste puissent être relevés. Ce plan d'affaires, depuis 2006, nous allons passer plus de 15 ans, n'a jamais été mis en œuvre. C'est pour cela que vous voyez que le taux de rendement de la régie des eaux reste faible. C'est pour cela donc qu'il était urgent que le gouvernement puisse prendre des mesures adéquates pour que la régie des eaux puisse être redressée. La réforme institutionnelle de la régie des eaux exige des mesures adéquates telles que une direction administrative, une direction technique, une direction qui gère les ressources d'une manière adéquate pour que le rendement puisse contribuer à la compétition avec les autres entreprises privées qui sont en train de s'installer. Ça profitera non seulement au service de la régie des eaux, mais à tout le pays. Et cette réforme institutionnelle va permettre effectivement à ce que la régie des eaux puisse compétir avec une nouvelle direction qui ne soit pas une direction nommée sur base des considérations politiques, mais une direction qui soit nommée sur base du recrutement sur concours et laquelle direction doit avoir des leaders qui puissent mettre en œuvre les différents programmes et projets compétitifs. Mettre en place une structure institutionnelle d'abord qui doit répondre au plan d'affaires parce qu'ils devront être réévalués chaque année, sinon trimestriellement, s'ils ne répondent pas aux critères de performance, ils devront être relevés de leurs fonctions. Le gouvernement aussi doit mettre en place un plan de performance entre d'abord l'État et la régie des eaux et entre les directeurs et les agents de la régie des eaux. Des fils conducteurs d'électricité non isolés de la régie des eaux et ceux qui sont sur le point de s'écrouler s'observent dans différents coins. Les habitants des localités visitées par la rédaction Isanganiro, notamment des zones Ngagara et Rubirizi, rapportent qu'ils craignent des incidents qui peuvent découler de cette situation. Ils demandent aux agents de la régie des eaux de protéger ces fils électriques. Reportage de Jean-Marie Mayong. Ce sont là certains des habitants de la zone Ngagara, quartier Seti, où ils observent les fils électriques qui sont en plein air. Dans ce quartier, par observation, certains de ces fils non isolés passent dans des caniveaux, alors que dans la zone Rubirizi, les poteaux sur lesquels se trouvent ces fils sont à moins d'un mètre de la terre. Et au niveau du transformateur, nous voyons que ces fils électriques ne sont pas aussi isolés. Ces habitants signalent qu'ils ont peur car ces fils peuvent causer des accidents. Cela me fait peur quand ils lancent des étincelles alors que tout autour, il y a des gens qui sont tout près. Nous craignons que cela pourrait causer des dégâts humains. Ces fils électriques, des fois, lancent des étincelles et nous avons peur. Ça peut nous faire du mal. Sur la route mena vers la zone Rubirizi, ceux qui y exercent différentes activités disent que des fois, il y a des étincelles provenant de ces fils et surtout quand il a plu. Que ce soit pour les habitants de la zone Ngagara ou de la zone Rubirizi, tous demandent à la régie des eaux de tout faire pour protéger ces fils en limitant de l'isolant, envie d'éviter les accidents. Il faut qu'ils protègent ces fils ou changer le système en le plaçant en haut pour éviter les accidents. Ces fils électriques souterrains, il faut les placer en hauteur. Au sein de l'administration, le chef de zone, Rubirizi, Jean-Marie Narichakié, demande lui aussi à la régie des eaux de tout faire pour protéger ces fils électriques. Les poteaux qui transportent ces fils dans la zone de Rubirizi, certains sont déjà penchés, ce qui montre qu'à tout moment, ils peuvent tomber. Et la direction générale de la régie des eaux signale que ce problème va bientôt être résolu. Ingénieur Jean-Albert Manigomba précise que du matériel pour la réhabilitation a été commandé. Pour clore ce journal, plus de 30 maisons détruites et des champs de riz endommagés. Voilà quelques dégâts occasionnés par des pluies tombées mercredi en zone Muzinda de la commune Rugazi en province Bubanza. Le chef de cette zone qui dresse ce bilan fait savoir que cette situation fait suite à l'étroitesse d'une bise située sur la route nationale numéro 9 Bujumbura-Bubanza. Anissé Nyonguru demande l'intervention de l'agence routière du Burundi ARB. On l'écoute. Nous sommes sur le ruisseau Nyarunzogi, un ruisseau qui traverse la route nationale numéro 9. Comme vous le voyez, il a causé des dégâts suite à la pluie, je dirais torrentielle, qui est tombée mercredi, précisément dans les heures de 15h30 à 16h. Cette pluie a causé beaucoup de dégâts, à savoir des champs de culture de riz qui ont été endommagés par ce ruisseau. Et aussi, et suite à la pluie torrentielle, il y a aussi des sous-collines dans lesquelles on nous a informé qu'il y a des maisons endommagées. L'effectif total que nous avons eu maintenant, c'est 35 maisons. Alors, les habitants de ces maisons, nous avons essayé de demander aux voisins pour qu'ils aident le logement, afin d'attendre comment les aider pour tourner dans leur ménage. Seule la population peut arriver à faire le curage de ce ruisseau pour qu'il n'y ait plus beaucoup de dégâts. Avec la population, nous essayons dans les travaux communautaires, mais comme vous le voyez, nous faisons les travaux communautaires pour curer ce rivier. Et à un certain moment, si le bruit tombe, automatiquement, ça bouche ce ruisseau encore. Nous demandons une aide à travers la ARB pour qu'ils nous aident avec une machine pour mieux curer. Et voilà, c'est par cet élément que nous mettons un point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Albert Ndouayo qui a assuré la mise en onde. Jean de Dieu, Irakoze était à la présentation. Au revoir.